3. Les derniers jours de la période électorale à Castillac furent assez bruyants. Bourdelot ne daigna point de venir présider l'une des réunions du camarade Paulin Bouvier. Ses affaires dans son département allaient bien, de sorte qu'il pouvait sacrifier une demi-journée à ce jeune homme que son patronage servirait le mieux du monde. Seulement Bourdelot déplut, par trop d'éloquence, en figurique. Parmi ses métaphores, les Castillassois s'embrouillaient. Il dénonça la perfidie des socialistes dits indépendants, et qui ne sont que des réacteurs déguisés. L'argent que les d'Urberville avaient dépensé prouvait leur intention corruptrice, et prouvait leur mépris du peuple, s'ils croyaient ainsi le séduire. Le couplet fut assez vif, et quelques applaudissements démontrèrent que le peuple de Castillac, averti, ne pardonnait pas aux d'Urberville de l'avoir prodigalement méprisé. « C'est vrai, cria un auditeur, ils nous corrompent. » Une assez bonne caricature du vieux Papegeot, perroquet déplumé, chenu, qui a désappris de parler et qui, à la chambre, ne sait plus dire que « très bien, très bien ». Cette caricature eut un grand succès. Puis Bourdelot, qui n'avait plus rien à dire, continua de parler, lui, éperdument. Il affirmait n'importe quoi, et il ne parlait pas depuis un quart d'heure, que déjà l'on était las de l'entendre. Mais il parla toute une heure d'horloge. Après cela, Paulin dit quelques mots. Il était en colère. Il parla sec, et il fut acclamé. Pierre, qui l'avait invité à cette réunion, se leva. « Citoyen !» Mais on le huait. « À bas le corrupteur du peuple !» Il fut habile. Ce trop fameux argent des d'Urberville qu'on reprochait à sa candidature, qui donc l'avait répandu parmi les grévistes ? Qui ? Et n'avait-on pas vu, dans les rues pauvres de la basse ville, le citoyen Paulin Bouvier, sournois, accompagné en catimini les charités, qui se faisait de porte en porte ? L'argent des d'Urberville peut-être, mais utilisé, détourné aux fins hypocrites de sa candidature. Par qui ? Par le même citoyen, Paulin Bouvier, pusillanime et qui, n'ayant pourtant pas l'aplomb d'épiloguer là-dessus, chargeait un autre, un Bourdelot, du soin de décocher la calomnie. Bourdelot essaya de protester. Le vacarme l'en empêcha. L'auditoire discutait âprement la question de savoir qui l'avait corrompu. Bourdelot fit de vains efforts pour dominer le tumulte. Et il se tournait désespérément vers Paulin, l'excitant à répliquer. Paulin l'avait mis et le laissait dans un ridicule embarras. Il secouait Paulin, lui prenait le bras fortement et lui criait « Répondez, que diable, c'est votre affaire !» Mais Paulin ne bougeait pas. Il était comme anéanti. Les idées lui tourbillonnaient dans la tête. Pour l'accabler, il y avait l'impossibilité de rien dire où ne fût mêlé le nom, la pensée au moins, la pensée claire, évidente et offensée d'Anatolie. Dans les rues pauvres de la basse ville, c'est elle, Anatolie, qui l'accompagnait de charité en charité, à petits pas d'amour. Et si, dans les rues de la basse ville, quand il accompagnait Anatolie, la politique l'occupait, quand il n'aurait dû être qu'amour, maintenant, et par un extraordinaire renversement de toute opportunité, seul le hantait le souvenir d'amour. Racontez ça pour s'y défendre ? Non. Et Bourdelot ? Répondez, nous sommes perdus, c'est votre faute. Racontez ça pour défendre Bourdelot ? Non. Et il regardait fixement Pierre. Ne lui sautera-t-il pas à la gorge ? Ça, oui. Déjà, il s'élançait. Bourdelot, qui avait mesuré la carrure de Pierre, le retint. L'auditoire trépignait, hurlait. Et Pierre regardait en souriant Paulin, si grêle. Dans la salle, comme dans une crique de rochers où la mer est en folie, un spectateur n'aurait vu que remous et confusion. Mais le nageur distingue les courants profonds qui l'amènent ou qui l'entraînent. Paulin se sentait aller à la dérive. Il cherchait, parmi l'assistance, les visages des gens qu'il connaissait le mieux. Des regards, au contact des siens, bougeaient à lui donner le vertige. Pour occuper ce long marasme, Bourdelot réclamait avec acharnement le silence. Et il l'avait obtenu, qu'il le réclamait encore. On finit par lui crier « Eh bien, parlez !» Il annonça que le citoyen Paulin Bouvier répliquerait à l'imposture. Paulin était comme paralysé. Il lui semblait qu'Anatolie fût devant lui, et le conjura de se taire. Il s'écarta sans brusquerie et dit qu'il méprisait les questions de personne. Il posait une question de principe. Alors Pierre, vainqueur, signala le faux fuyant. Mais voyons la question de principe. Et Paulin demandait aux populations ouvrières de Castillac si elles voulaient, pour représenter leurs intérêts et leurs aspirations, un ouvrier, c'était lui, ou bien un patron, Pierre d'Urberville, un d'Urberville et que son seul nom dévoilait. Pierre là-dessus ricana magnifiquement. Il s'adressa aux ouvriers qui, à l'usine depuis des années, le voyaient à l'ouvrage parmi eux, traités comme eux par le patron, vêtus comme eux, attelés aux mêmes machines, et lequel des deux était un véritable ouvrier, ce journaliste parisien dont les mains ne travaillaient pas, ou lui. D'ailleurs, si l'on doutait de son dévouement à la classe ouvrière, qu'on l'entendît. On le savait, à Castillac, le directeur de la manufacture avait, dès la première heure de la grève, résolu de déclarer le lock-out, et lui, Pierre, l'en empêchait. Lourdelot vérifia hautement qu'ici se trahissait la partie liée entre le candidat Pierre de Berville et le patron René de Berville. « J'ai empêché que se fît le lock-out, s'écria Pierre. « J'affirme que si le lock-out ne s'était pas fait, on me le doit. « Et qui dans l'assistance refuse de m'en savoir gré ?»« Oui, vous avez sauvé l'usine, répliqua Lourdelot. « Ai-je eu tort ?» demanda Pierre. On lui prouva qu'il n'avait pas eu tort. On siffla Lourdelot qui essayait d'un commentaire. Depuis le début de la grève, la crainte du lock-out effarait les grévistes. On connaissait René, son humeur violente, et son orgueil et sa fatigue, les raisons et les velléités qu'il aurait de fermer à jamais l'usine, plutôt que de céder. Poulain, chaque jour, tâchait de dissiper, dans la foule inquiète, une peur qui le touchait lui-même. Et si Pierre, avec son autorité de neveu renseigné, garantissait qu'on n'avait plus à redouter cet événement, il soulageait d'un cruel tourment les ouvriers. Il le garantit, et aussitôt il vit de la joie dans l'assistance. Poulain, cette fois, sut manœuvrer. « Allons, continuez la résistance !» Si le neveu du patron ne ment pas, concluons. Le patron s'engage à ne pas faire le lock-out. Désormais, que risquez-vous? Seulement, ne soyons pas dupes. Si la promesse qu'on vous apporte a un sens, il faut le savoir. Un patron qui s'engage à ne pas faire le lock-out, ou bien compte que ses ouvriers se livreront à lui, pieds et poings liés, vous ne le voulez pas, je suppose. Ou bien admet de discuter avec ses ouvriers les conditions auxquelles le travail sera repris. Paulin suivait aisément son idée. Dans cette dialectique où n'intervenait pas Anatolie, où son amour ne l'entravait pas, il se sentait fort et plus fort que Pierre. Et Pierre, de son côté, devinait que Paulin le pousserait plus loin, qu'il ne comptait s'avancer. Il avait cru d'abord tenir son auditoire et le contenter facilement. Or, continua Paulin, jusqu'à présent, le patron de Berville a refusé d'entrer en pourparler avec la grève. Et Pierre dut répondre. « Il entrera en pourparler avec la grève demain matin. » Cela, il l'improvisait. Et il troubla de son audace. Mais quoi, il était embarqué. Alors, fit Paulin, nous verrons. J'attends la convocation du patron de Berville. Je l'attends de pied ferme. Il ne désirait pas autre chose. Et s'il faisait aboutir la grève, son affaire était bonne. Mais Pierre riposta. Jamais de la vie. Le patron ne veut pas de vous. Il recevra demain matin le secrétaire du syndicat, une délégation des ouvriers grévistes, mais de vrais ouvriers touchant à la caisse de l'usine, jusqu'au jour de la grève. Et moi... « Vous, non. C'est à prendre ou à laisser. » Paulin protesta contre l'insulte, et Lourdelot protesta contre la violation formelle des rites socialistes. Les ouvriers ne sont-ils pas libres de choisir eux-mêmes leurs délégués? Et s'ils choisissaient Bouvier? « Mais, répliqua Pierre, s'ils ne le choisissent pas, qui est Bouvier pour eux? Leur député? Pas encore. Qui est Bouvier? Personne. Et les ouvriers sacrifieront-ils aux prérogatives illusoires de ce Bouvier la possibilité, la certitude d'un arrangement, c'est douter de leur intelligence. Pierre éclatait de rire, et les rires de l'assistance accompagnèrent le sien. Paulin, en l'occurrence, ne comptait pas. Il affirma qu'il ne songeait qu'au bien des grévistes et sacrifiait de grand cœur son amour-propre. Mais il les suppliait de ne se point laisser blouser dans une conversation périlleuse avec un patron retors, et qu'il l'écartait, lui, Bouvier, signe de ses intentions perfides. « Avez-vous tant besoin de Paulin Bouvier ? » s'écria Pierre. « Et sans lui, êtes-vous si dépourvu, si bête ?» Il avait conquis tous les suffrages. Il fut acclamé. La réunion se termina sur une ovation. Paulin, Lourdelot, réduits à rien, n'avaient plus autour d'eux qu'un petit nombre de partisans, et tout prêt à les lâcher. Dehors, ils eurent à s'éclipser, tandis que Pierre triomphait. Seulement au triomphe de Pierre, il manquait le principal, l'acquiescement du patron. Pierre avait déclaré que le patron, dès le lendemain matin, recevrait les délégués des grévistes. Et à cette heure, le patron ne le savait pas. Il attendait seul dans son bureau le retour de son neveu et se croyait encore décidé à la résistance. Pierre, mené par la logique du succès, avait joué le tout pour le tout. Si René s'entêtait à la résistance, Pierre était perdu. Autrement, il avait anéanti Paulin. Il trouva René sur les 10h30, très las et très nerveux, et qui d'abord poussa les hauts cris. Mais il sut le prendre. « Céder, jamais, disait René. « Vous appelez ça céder ?» répliquait Pierre. « Céder quand vous éliminez le fauteur de la grève ?»« Paulin supprimé, c'est la grève que vous supprimez. »« Et je vous ai supprimé, Paulin. »« Je vous amène la grève tout obéissante et repentante. »« je vous l'apporte et vous en faites ce que vous voudrez, ça vous regarde. Enfin, je paye. Mais vous les avez pour un morceau de pain. Ces gens n'ont qu'un désir, c'est de rentrer à l'usine. Vous les avez pour rien. Et puis, s'ils demandent trop cher, vous les envoyez promener. Mais quant au fait de les recevoir tels que je vous les offre, ne dites pas que vous cédez. C'est tout le contraire, ils cèdent. Après ça, je suis bien tranquille. Vous les aurez pour moins que rien. Tranquille, à vrai dire, il ne l'était pas. Mais il n'avait point à hésiter. En outre, il comptait, avec raison, sur la fatigue de la grève. Papejoux le notait justement que Paulin s'était lancé trop tôt. À la réunion, dès le premier mot qui éveilla l'idée d'une reprise de travail, toutes les figures s'étaient éclairées. Pierre dut, pendant une heure, chapitrer longuement René, lui répéter les mêmes arguments. René, parfois, cessait de l'écouter, et se taisait pourtant. Parfois, il faisait signe à Pierre de se taire lui-même, et il entrait dans une rêverie d'où il ne sortait qu'épuisé. Après de mornes silences, coupés par les insistances aux reprises de Pierre, René eut trouvé son idée, et put la formuler nettement. « Si les grévistes ne désirent que de rentrer à l'usine, je n'ai qu'à les attendre. S'ils sont quasi rendus, ils ne tarderont pas. Comme ça, je les aurai pour rien. Demain, si peu que ce soit, je paye. Et le seul avantage, tu ne perds pas la tête, mon bonhomme. C'est ton élection. Mais ça, tu sais, je m'en fiche. Bien, belle élection de Bouvier, vous en fichez-vous? Si Bouvier est élu contre vous, c'est contre vous qu'il est élu, pas contre moi. Moi, je n'existe en cette affaire que comme Deberville. Et les Deberville, c'est vous. Si Bouvier est élu, croyez-moi, c'est plus cher qu'une petite concession que vous feriez demain. Plus cher pour votre orgueil, oui, et plus cher pour votre bourse. Bouvier est député de Castillac, au lieu de moi, au lieu de vous, l'usine est flambée. » Pierre emporta finalement l'hésitation, presque maladive de René. Le lendemain, de très bonne heure, il aviserait le comité de grève. Cependant, Paulin, pris de court, se débattait contre la soudaine promptitude des événements. N'était-il pas vaincu sans retour possible? Il n'acceptait pas la défaite. Il lâcha au plus vite Lourdelot, qui avait manqué son train, qui ajournait au matin son départ, et qui, ne voulant point aller au café, voir du monde et affronter les huées populaires, ne demandait plus que l'hôtel et son lit. Paulin, malgré l'heure avancée, put joindre les membres du comité. Il les trouva tout juste polis. Le secrétaire du syndicat fut approuvé de tous, en lui répondant « Nous avons charge d'armes, débrouillez-vous ». Le lendemain, c'était le samedi, veille des élections. Dès le matin, Paulin sut que les délégués des grévistes seraient reçus par René Deberville à 10 heures. Il lui restait à peine 2 heures pour se débrouiller, comme l'y engageait ironiquement le secrétaire du syndicat. Et la partie semblait perdue. Paulin l'eût volontiers abandonné, mais pour susciter en lui une ardeur dernière, il y avait sa haine montée au paroxysme, sa haine de tous ces Deberville ligués contre lui. Ces Deberville, René, Pierre, et puis Anatolie, enfin. Car la débâcle de sa candidature s'était produite la veille au soir, à la Réunion, parce qu'à la Réunion, lui, Paulin, cet orateur, avait été mauvais et pire. Lourdelot, sans pitié, le lui répétait, avant de le quitter, c'est un suicide. Il avait été mauvais et pire à cause d'Anatolie. Elle ne le savait pas. Elle le croyait un autre politicien, n'est-ce pas? Et d'un tel suicide d'amoureux, elle ne songerait absolument pas à lui faire honneur. Mais qu'elle le sût ou non, tout se passait comme si les Deberville, pour le livrer à eux, lui avaient envoyé cette jeune fille et cet amour. Dans sa colère, il pensait cru et cynique. Il se vengerait. Les 2 heures qu'il lui restait, pour se débrouiller, il les employa désespérément. Il connaissait dans la basse ville les gaillards que son apostolat révolutionnaire avait le mieux séduit. Ceux aussi que les sinistres jours de la grève et de la misère avaient affolés. Il les visita. Il leur découvrit la trahison qui se préparait. Il remua en eux tout le délire de la fièvre obsidionale. Plus d'une fois, il reçut plus d'un camouflet. Tout de même, et sans trop de peine, il recruta une petite escouade d'émeutes. Son vieil instinct d'agitateur prenait le dessus tout à coup et le servait. Il put bâcler une manifestation. Avant 10 heures, avec ses hommes, il fut à la porte de l'usine. Et les délégués Félon, on était là pour les attendre. Félon ou non, les délégués n'arrivèrent pas comme des enfants tout seuls, mais une ribambelle de partisans leur faisait cortège. Ceux-là étaient les optimistes, et autour de lui, Paulin groupait le pessimiste. C'est une opinion plus active. La troupe de Paulin, peu nombreuse, attaqua l'autre. Il y eut quelque temps une mêlée. Peu s'en fallut que Paulin ne se vît déborder. Les délégués, à la faveur de ce trouble, se glissèrent jusqu'à la porte de l'usine. Le concierge hésitait à les recevoir, et l'on parlementa. Les amis de Paulin profitèrent de ce retard. Ils se ruèrent sur la porte. La fureur générale tourna subitement contre ce maladroit concierge. La porte fut enfoncée, puis la grille voisine. Et dans la cour de l'usine, les grévistes réconciliés trouvèrent en face d'eux une compagnie de fantassins, baïonnettes au canon, qui sortaient des ateliers en courant, et qui se rangeaient en ligne devant les bâtiments dont elle avait la garde. « Trahison !» cria Paulin. Et ce cri courut par toute la foule. Derrière les manifestants, on ne sut comment ni par qui, les grilles avaient été refermées. Les manifestants étaient pris comme dans une souricière. Et ce fut là, dans la cour de l'usine, la plus absurde bataille, sans motif, une bataille de folie. Quelques manifestants, demeurés dehors, lançaient des pierres, qui atteignaient des grévistes ou des soldats. Il y eut des blessés. Paulin ne triomphait-il pas? Il n'était plus question de Paulin ni de personne. 5 semaines de grève donnaient le résultat de niaiserie et de violence. Puis la cour de l'usine fut déblayée. Au total, 12 de blessés et 12 d'arrestations. Paulin n'était ni arrêté ni blessé. Il se tenait un peu à l'écart et songeait. Un mort et les 2 Berville sont perdus. Il songeait ainsi, sèchement, et calculait avec justesse les éventualités. D'ailleurs, si la mort d'un homme eût dépendu de lui, sans doute aurait-il épilogué avec lui-même, évaluant les intérêts de la cause, et lui ses propres intérêts, couvrant les siens par ceux de la cause, composant des sophismes avantageux, et peut-être, au dernier moment, lâchant pied, refusant la mort d'un homme. Mais le problème ne se présentait pas à lui ainsi. Et c'est la force comme aussi la faiblesse de ses meneurs. Ils répandent parmi des foules leurs responsabilités. Ils créent des commencements de crimes. Si le crime s'accomplit, leur initiative est dépassée au point qu'eux-mêmes ne la connaissent pas, dans son extraordinaire expansion. Paulin, quand il songeait que sa candidature avait besoin d'un mort, ne savait pas qu'il eût été alors le meurtrier. Il assistait à un déchaînement de passion qu'il avait exalté et qui, depuis quelques minutes, n'obéissait point à son commandement. Le mort qu'il ne réclamait pas, il l'eût accepté. Il en évaluait l'utilité politique, et il concluait. Seulement, 12 de blessés, un pharmacien suffit à leur compresse. La 12aine d'arrestations fit un peu plus de bruit. Toute la journée, des bandes de grévistes parcoururent les rues de Castillac, chantant l'international et trimballant le drapeau rouge. Paulin, qui au titre de candidat profitait d'une certaine immunité, multipliait les tours ingénieux. À 4 heures, il obtint la mise en liberté des gaillards qui avaient payé pour tout le monde. Il en eut un regain de popularité, assez bref d'ailleurs, et dangereuse. Il commit cette faute. Il voulut plaire. La cause perdant ses victimes perdait aussi sa poésie. L'agitation de la rue tournait à la partie de plaisir, et l'on commençait de manifester avec bonne humeur. Puis, à 5 heures, sur les murs de Castillac, en belle hâte, on colla des affiches. Paulin, par l'une de ces affiches, sut que les délégués avaient été reçus par René de Berville, que René de Berville accordait à ses ouvriers la semaine anglaise, que le comité de grève acceptait, félicitait les délégués, et que la grève était finie. Finie la grève et sans Paulin? Finie et les salaires n'étaient pas relevés? Finie et la petite satisfaction que les grévistes obtenaient leur suffisait pour le moment? Finie la grève et au bénéfice de Pierre? Quand et comment les délégués avaient-ils pénétré dans l'usine? Mystère. Tout cela s'était manigancé en tapinois sans Paulin, de telle sorte qu'il eût en vain revendiqué son bénéfice. Et quoi? Cette manifestation de la matinée, fomentée par lui, n'avait-elle point agi très utilement sur l'esprit de René de Berville, en lui faisant peur? Oui, et plus encore que Paulin ne l'imaginait. René, à l'instant de recevoir les délégués, était repris de ses velléités intransigeantes, et voire insolentes. Pierre s'attendait qu'il envoyât promener tout le monde. René eut peur, et dans l'après-midi, quand revinrent les délégués, écartés le matin, et que Pierre ramenait par l'entrée du parvis, René se montrait débonnaire. Il cédait sur un point, et il n'en fallait pas davantage. La grève était finie. Aux dames de Paulin, grâce à lui. Quant à démontrer qu'on lui devait beaucoup, non, car il obtenait ce qu'il n'avait pas voulu. Et surtout, une immense joie emplissait Castillac, moins pour la semaine anglaise que pour la simple reprise du travail. Paulin, dans cette joie, disparaissait.